les enfants j'en barre, ce sont des femmes gaillards. Nous les mettons pour les petits carnavals. Les enfants j'en barre, ce sont des femmes jamais s'arrêter. Allez les pulls la puce, allez, allez. Et on s'accroche au bar, à ce putain de comptoir. Et on va continuer à boire. Et on va chanter sans jamais s'arrêter. Allez les pulls la puce, allez, allez. Et on s'accroche au bar, à ce putain de comptoir. Et on va continuer à boire. Et on va chanter sans jamais s'arrêter. Allez les pulls la piste, allez, allez. Et on s'accroche au bar, on tient putain de comptoir. Et on va continuer à boire. Et on va chanter sans jamais s'arrêter. Allez les pulls la piste, allez, allez. Et on s'accroche au bar, à ce putain de comptoir. Et on va continuer à boire. Et on va chanter sans jamais s'arrêter. Allez les pulls la puce, allez, allez. Et on s'accroche au bar, on tient ce putain de comptoir. Et on va continuer à boire. Et on va chanter. Allez les pulls la puce, allez, allez. S'accroche au bar, on tient ce putain de comptoir. Et on va continuer à boire. Et on va chanter, chanter. Allez les pulls la puce, allez, allez. Et voilà.